Live blog dans le campus virtuel. Article rédigé par Mtflonet. Lu par la technologie vocale ReadSpeaker. L'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication a favorisé de nombreuses applications dans le monde de l'éducation. La multiplication des ressources pédagogiques et l'arrivée de nouveaux supports et dispositifs rendent plus facile et en même temps complexe leur intégration dans des contextes éducatifs. C'est ainsi que les blogs peuvent être un outil décisif pour l'enseignement d'une langue étrangère. Un blog ou carnet web est un site web organisé chronologiquement et actualisé périodiquement. Calendrier, archives, le dernier message s'affiche en première position, qui s'appuie sur une technologie de type CMS, système de gestion de contenu. Son interface d'édition simplifiée et sa facilité d'utilisation permettent son emploi en classe de français langue étrangère, FLE, grâce à la publication immédiate de pages web et à la réalisation de différentes tâches pédagogiques. Le lien, Campus Virtuel FLE, Université de Lyon. Créé en 1999, est un dispositif de formation en présentiel et à distance basé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, qui intègre des blogs dans différents contextes d'éducation. Dans le dossier lien, blog et enseignement. Du lien, projet Flonet. On aborde les potentiels des blogs en classe de langue étrangère, ainsi que plusieurs applications pédagogiques. Il présente différents types de blogs, pour la classe, pour l'étudiant, texte, audio et vidéo, public et privé, qui constituent le support des ressources, tâches et travaux des étudiants, en même temps que l'espace de communication, de débat et de mise en commun. On relève particulièrement les carnets web suivants, du campus virtuel FLE, lien, blog campus virtuel FLE, lien, blog campus virtuel audio, lien, et du français 2005, carnet web des étudiants de langue Extranjera Y su didactique à 3, faculté d'éducation. Lien, carnet FLE 2006, carnet web des étudiants de deux indicateurs ordinal féminin langue issu littérature à français I, philologie anglaise A. Lien, audioblog 2006, blog audio des étudiants de deux indicateurs ordinal féminin langue issu littérature à français I, philologie anglaise A. Le rôle des liens, blog audio et vidéo, est déterminant dans ce campus virtuel. Les notions d'audioblog, de radioblog ou de podcast évoquent les différentes variantes qui intègrent des fichiers son, de streaming ou un fil RSS audio dans un blog. Parallèlement, les vidéoblogs ou vlogs intègrent des fichiers vidéo, du streaming ou un fil RSS vidéo dans un carnet web et fréquemment, ils se présentent comme des communautés pour partager des vidéos. Dans l'enseignement d'une langue étrangère, les applications pédagogiques de l'audio et de la vidéo deviennent ainsi très utiles et d'une grande capacité pédagogique. Dans le lien, audioblog campus virtuel FLE. La fonction commentaire permet d'envoyer des fichiers audio en format MP3. Ces séquences audio des étudiants favorisent des applications pédagogiques très utiles et décisives en classe de français langue étrangère, correction de la prononciation, travail collaboratif, communication orale. Lien, audio carnet FLE. Constitue une expérience pour intégrer et développer des applications pédagogiques, réalisation de tâches et scénarios, élaboration de projets pédagogiques, communication et travail coopératif, dans un cours de FLE avec des étudiants débutants de l'Université de Lyon. Le blog lien, campus virtuel FLE, audio-vidéo blog, présente différentes applications pédagogiques élaborées à partir des séquences audio ou de documents vidéo, ainsi que des activités de communication et échange entre les étudiants de français langue étrangère de l'Université de Lyon. On aborde aussi, dans le dossier blog et enseignement, les orientations générales suivantes. 1. Lien, le blog comme journal, page de ressources ou site pédagogique. 2. Lien, potentiel des blogs audio et vidéo. 3. Lien, le blog comme espace de communication. 4. Lien, le blog comme projet pédagogique de collaboration. 5. Lien, le blog comme espace d'enseignement. Les nombreuses ressources et références répertoriées donnent des pistes aux enseignants et aux étudiants universitaires pour intégrer ces outils dans le monde éducatif. Les blogs sont ouverts à de nombreuses applications pédagogiques dans le monde universitaire et tout particulièrement dans l'enseignement d'une langue étrangère, FLE, mais les blogs constituent en même temps un lien, nouveaux médias et une nouvelle écriture. Nouveaux contextes technologiques, créatifs, interactifs et communicatifs sur le web. Cette orientation est en train de générer de nouvelles formes de création, de dialogue et de consommation, comme le podcast, et les communautés de vidéoblogs bien différenciées des autres médias, presse, radio, télévision, références et pistes pédagogiques. Lien, bibliographie. Lien, dossier blog et enseignement. Lien, campus virtuel FLE, Université de Lyon. Cet article vous a été présenté par AgoraVox. Nous vous remercions de votre visite.